c'est la vaudou ma rave. Plus cash que la cave à Batman lance le bif au bon tripman. Trouve une trame, un truc qui nous irrite, un rythme autoprofane. Surtout ton pas en bas car les gens qui sont là le méritent. Faut bien qu'ils en profitent, surtout qu'ils prennent pas la fuite. Il faut que tu les tiennes en plus, ils bougent et tu vois bien qu'ils sont tristes. Qu'ils renient encore le Christ, t'es accro qu'ils sont autiches. Qui t'a rendre l'âme sous un digital et ta pute dans ce gras. On se dit comme des braves. Prends des choses, ces endroits sont chauds, donne rencard dans la pénombre. On descend tout droit dans le noir. J'tends de sortir du placard, non, pour vivre avec le barbare. Félix allume son cigare, ça y est, n'a plus le cafard. Dans, comme un homard. Dans la cave, on est peinard. Dans, tous ces fandards. On se baigne un bon coup à boire, croque les notes. Craque ton futur, joint les noces. Vous allez sortir des cris aigus à faire péter du rock. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm